Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Non Essentiel, votre émission culturelle chaque semaine sur Radio No Culture. Cette semaine, encore une fois, une émission spéciale. Je pense que ce genre d'émission ne deviendra plus spéciale, mais absolument hebdomadaire à partir de maintenant. Enfin, on verra comment ça se produit. Vous entendez peut-être à l'ambiance, mais aujourd'hui, on s'est calé en terrasse. On est à Bayonne. Voilà, parce que notre invité va jouer ce vendredi. Alors, je ne sais pas quand c'est que vous allez écouter cette émission, si c'est jeudi soir ou si c'est samedi, mais en tout cas, ce vendredi-là qui arrive, donc ce sera peut-être trop tard, notre invité jouera à Bayonne, mais ce sera seulement le début d'une longue tournée. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sélénite, ou de ton petit nom Mathieu, comment vas-tu ? Oh, ça va d'enfer, on est bien, on est calé avec nos petites bières là. Tout à fait. Ma foi, fort fraîche là. Oui, oui, oui. Ça fait plaisir quand même de sortir comme ça. Ça fait complètement plaisir. Merci de me proposer ce petit moment. Écoute, c'est avec grand plaisir que je t'accueille, je dirais, dans mon émission, mais que Bayonne t'accueille en son sein. C'est beau, j'ai envie de t'aimer. On va discuter donc de toi, de Sélénite, de ton projet solo, et voilà, c'est parti pour une petite heure de non-essentiel, c'est parti. Non-essentiel. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non-essentiel. Du jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. Donc on est avec toi Mathieu, ton projet solo s'appelle Sélénite, le marcheur Sélénite, si on veut te trouver plus facilement sur les internets. Oui, le marcheur Sélénite au singulier sera plus simple pour trouver peut-être. Oui, sur Insta surtout, le-du-bas, Sélénite, mais c'est surtout Sélénite aujourd'hui. Le marcheur, c'était un petit personnage que j'avais quand j'ai commencé, quoi, que je pensais interpréter. En fait, avec le temps, j'oublie un peu ce délire-là quand même. Donc tout ce que tu fais, je qualifierais ça de folk rock. Tu es seul à la guitare et au chant, généralement, en concert en tout cas. On va voir après pour le studio. Et tu parlais de tes débuts, et moi j'aimerais revenir même avant ça. Ouh là là. J'aimerais que tu me dises comment tu es entré dans la musique, comment ça se fait qu'aujourd'hui tu sois musicien. Ah putain. D'où est-ce que ça s'est venu ça ? Ah ben écoute, c'était pas prévu du tout au final, parce que dans ma famille, il y a pas d'artiste en fait à proprement parler, ou pas de musicien, et les musiques que mes parents écoutaient, c'était plutôt de la variété française. D'accord. Un peu à l'ancienne. Ouais. Et pour moi ça se limitait beaucoup à la radio que j'écoutais quand on m'amenait ou qu'on me ramenait au bahut, quoi, tu vois, à l'école. Okay. Quoi. Et en fait un jour une pote m'a tendu un album de Blink 182. Okay. Tu vois, donc ça commence à dater déjà, même maintenant. Ouais, ouais, ouais, 95 par là, quand tu dis 92. Ouais, je crois que c'était 97 ou un truc comme ça. Ouais. L'album, c'était Enema of the State. D'accord. Il me semble. Et en fait, j'écoute les morceaux, j'entends les guitares hyper saturées, la batterie qui tabasse, et je me dis putain, ça a l'air trop bien. Et la même année, comme quoi rien n'arrive par hasard, il y a un concert, mon premier concert, c'est au Bayou, pareil, c'est au lycée Victor Duruy, un concert du groupe de lycéens, tu vois. Ok. Et je vois le batteur, j'ai mon cœur qui commence à battre très fort. 3 mois plus tard, j'avais envie de faire de la batterie, quoi. Et donc j'ai commencé à faire de la batterie. Parce que tu as débuté, là on te connaît maintenant comme chanteur-guitariste, mais tu as commencé avec la batterie. Exactement. À 16 ans, je crois que j'ai commencé à jouer de la batterie, quoi. Il y avait une asso à Bayonne qui s'appelait Ebaki il y a un bon moment, qui a dû fermer entre temps. Ils avaient une salle... en dehors des cours, qui était complètement libre, et moi, dès que j'avais une heure de libre, j'allais bastonner à la batterie, quoi. Et après, donc, de la batterie, tu as joué dans quelques groupes. Ouais. Celui dont je me rappelle, c'était Soutra. Ah oui, oui, oui. Je sais pas si c'est toi que j'avais vu, parce que tu avais, il me semble, changé. Tu étais parti du groupe et ils avaient changé de batteur, il me semble. Exactement. Alors, je sais pas si c'est toi que j'ai vu ou l'autre batteur. En tout cas, ça tabassait bien. C'est pour le coup, c'était plus du pop punk, c'était vraiment du gros métal, quoi. Ah bah, en fait. Avec le temps, j'ai eu d'autres groupes avant. J'ai eu un premier, tu sais, on a tous nos premiers groupes qui ressemblent plus ou moins à quelque chose, tu vois. J'avais un groupe qui s'appelait Deep Shit quand même, hein. Tu vois le délire, okay. Shit papier, tu vois, SH2ET, quoi. Mais bon, quand tu le prononces, c'est la même chose. Hein. Oui. L'illusion est parfaite. C'est fou. les artistes. C'est incroyable. Et après, j'ai eu quoi, un groupe qui s'appelait Excess, où là, c'était un peu plus rock metal. Il y avait beaucoup de Deftones qui est passé par là. D'accord, Et de groupes comme qu'est-ce qu'on avait. Element 80 ou des vieux trucs comme ça. Okay. Néo-metal aussi, tu sais, toute l'époque néo-metal en gros est passée par ici. Et après j'ai eu Sutra. Enfin tout ça c'est un peu chevauché, quoi. J'avais plusieurs groupes en même temps. D'accord. En général, quoi. Tout ça à la batterie toujours. Ouais, tout ça à la batterie, ouais. Et c'est avec Sutra, je pense, c'est devenu à mon sens déjà beaucoup plus sérieux parce qu'on a été plus exigeant, on répétait plus de fois par semaine. On a une plus d'exigences techniques aussi, tu vois. Donc Donc j'ai bouffé des heures de métronome, voilà, à partir de là quoi. Et raconte-nous alors toi, ta transition vers la guitare, comment c'est passé? Eh bien, et vers le chant aussi. C'est assez simple, mon deuxième groupe là, XS, j'adorais la façon de jouer de mon guitariste, je le trouvais hyper sensible et ça m'a vraiment donné envie de me mettre à la gratte quoi. Donc il y a ma belle-mère à l'époque qui m'a sorti une guitare de son grenier qui avait pourri pendant 20 ans, tu vois. Et je l'ai faite un peu retaper dans un magasin de musique. Mmh. Et je me suis mis à me péter les doigts dessus, quoi. C'était trop bien. Et dès que j'ai su plaquer quelques accords, bah, j'ai eu envie de chanter instinctivement et de composer des trucs, plaquer, faire mes propres trucs, quoi. Et j'ai commencé aussi à faire chier mes voisins en appartement, à crier sur du Nirvana, tu vois, des trucs comme ça. C'était que des petites choses comme ça. Et du coup, comment t'allais venu à te dire, tiens, j'ai peut-être assez de niveau pour démarrer un projet solo qui s'appelle donc Sélénite? Et bien, comment c'est venu? Comment dire, ça serait pas venu de moi si on m'avait pas donné un petit coup de pied au cul. En gros, il y avait un bar qui s'appelait le 45 Tours à Bayonne il y a longtemps, qui faisait un concert et on m'a dit, mais Mathieu, il paraît que tu chantes et que tu fais de la guitare, on a besoin de quelqu'un pour faire la première partie d'un monsieur qui s'appelle Quentin Sauvé. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Qu'à l'époque s'appelait Throw Me Off the Bridge, qui a fait un sacré chemin depuis aussi. Et donc j'ai fait mon premier concert. De ce premier concert, on a découlé 7 autres et puis après une quinzaine et une vingtaine et voilà. Et du coup, depuis le début, tu avais ce nom, Sélénite? Ouais, ça m'est venu assez vite, ouais. D'où ça vient? Est-ce que c'est une pierre? C'est aussi le nom des habitants de la Lune, il me semble? Ouais, c'est vrai, c'est Méliès, je crois, le réalisateur Méliès. Mais il me semble que c'est d'avant ça, déjà, même dans l'Antiquité. Peut-être. Hein. Sélénite, qui viendrait de Sélène aussi, qui veut dire la Lune, tout ça. Ouais. Il me semble que c'est quand même assez vieux. Putain, comme nom. Je vais en apprendre tous les jours, c'est incroyable. Mais en fait, ça venait du prénom Sélène que j'aimais beaucoup. D'accord. Sûrement parce que je lisais beaucoup de fantasy ou de space opera ou de trucs comme ça. Et je me suis renseigné sur l'origine du mot et j'ai vu que c'était affilié à Sélénite. Et Sélénite, c'est un adjectif aussi qui veut dire qui appartient à la Lune. D'accord. Et c'est ce sens-là qui m'intéressait. Surtout que je composais, j'écrivais beaucoup de nuits et je dormais beaucoup de jours. Et donc ça faisait sens en fait, ce nom-là, à ce moment-là, quoi. Il me semble que ton premier EP est sorti en 2013, c'est ce qui est écrit sur Bandcamp. Si je dis pas de bêtises, tu peux nous raconter comment c'est passé pour l'enregistrement Le premier, c'était hyper spontané, parce que très vite, je me suis senti presque dans l'obligation d'acheter du matériel pour enregistrer chez moi, tu vois, pour pouvoir maqueter, pour pouvoir avoir un retour moi-même sur mes propres compos, quoi. Et donc j'ai acheté du petit matériel pas hyper cher et j'ai eu envie de composer cet album, enfin cet EP album quoi, on va dire, c'est un hybride quoi. Et j'ai fait ça dans ma chambre d'ado quoi, tu vois, j'ai fait ça dans ma chambre d'ado avec un SM58, donc le micro de base de chez Base. C'est celui, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros celui que tous les chanteurs ont c'est ça, sur scène la plupart du temps, c'est vrai. Et donc j'envoie tout ça à mixer à un gars qui a un peu de talent, voire même beaucoup de talent, qui s'appelle Eric d'Orléans, qui a dû prendre mes pistes mal enregistrées, mal foutues, et qui a dû faire « Oh putain, il y a du boulot !» tu vois. Et au final, il m'a rendu un truc assez correct, tu vois, pour l'époque, avec mes capacités techniques de l'époque, tu vois, quand même, voilà. Premier album qui s'appelle, je crois, « Asphalt and Oceans ». Exactement. C'est ça. J'aimerais parler du groupe qui m'a fait te découvrir, à savoir Cold Dust, parce qu'il me semble que c'est à peu près au même moment que ce premier EP, donc il me semble, peut-être pas 2013, mais après par là, du coup, t'étais dans les deux en même temps, t'avais les deux projets en même temps. J'avais même trois projets en même temps. D'accord. À un moment donné, j'avais le groupe Sutra, qui était donc du métal un peu death metal, on va dire vite fait. Ouais. J'avais Cold Dust à côté, qui commençait à bouger aussi beaucoup, et j'avais ce projet Sélénite quoi aussi, qui les trois bougeaient un petit peu à leur sauce, tu vois, donc c'était rigolo au niveau de l'emploi du temps, je te cache pas. Et petit à petit, en fait, Sutra s'est arrêté, j'ai eu Cold Dust et Sélénite, puis j'ai délaissé un petit peu Sélénite parce que Cold Dust bougeait un petit peu plus et que je voulais privilégier le groupe avant toute chose. Et après le groupe s'est arrêté et donc j'ai repris ma guitare, mes chansons et je suis reparti jouer là où je pouvais. On va faire une petite pause, parce que depuis tout à l'heure, ça fait une petite dizaine de minutes qu'on parle. Ouais. On va goûter ce que ça donne tout ça. Je propose pour commencer d'écouter une chanson, alors pas du dernier album, en fait, de dernier EP, de celui d'avant qui s'appelait Projection. Ouais. Et c'est donc le morceau d'ouverture qui s'appelle Slice of Silence. Ah, oui. j'ai un très mauvais accent et j'ai un peu du mal parfois. Slice of Silence par Sélénite. Allez! We'll be right back. my pain and shock, Lord. Never thinking more about the curse I love these before. Still clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. Homes, houses, bricks, or sense are clearly not on my land for more. So I walk through the earth, begging for a slice of silence, a bluesy kind of peace. Skimming slow my cheeks with a link I sense above, unlocking, unlocking whole love. Such a long road to Lord, such a long time to grow, to rise, to shine, to show I am fine. So I walk through the earth, begging for a slice of silence, a bluesy kind of peace. Skimming slow my cheeks. Clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. Still clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. Still clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. Still clapping my hands in vain, you know, just to catch another blow. So I will. Donc c'était Slice of Silence, de ton du coup quatrième EP, Projections. Exactement. Voilà, qui est sorti du coup, ça va faire quoi, ouais, 2018, c'est 4 ans. 4 ans 2017, c'est 2017, sorti, je crois. Du coup. Donc on parlait de du fait que tu étais dans Cold Dust, donc en tant que chanteur-guitariste, dans Sutra en même temps en tant que batteur, ouais. Et dans Céline, que tu avais un peu mis de côté, donc chanteur-guitariste du coup, c'est ce qu'on vient d'écouter. Mmh. Et donc après la fin de Sutra, de Cold Dust, tu as essayé de repartir à fond dans Selenit, et j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché pour toi. Mais écoute, je suis hyper content parce que je me rendais compte que déjà je me suis senti beaucoup plus libre qu'avec mes groupes. Ouais. Je me rendais pas compte à quel point ça pouvait me libérer, tu vois, et j'ai jamais autant joué que tout seul. Au final, okay. Je veux dire, je tournais entre 30 et 45 concerts par an, ce qui m'était encore jamais arrivé. Ça a pas l'air énorme dit comme ça, si ouais, tu veux. Ouais. Y en a qui font beaucoup plus, mais pour moi c'était la première fois que ça prenait autant d'ampleur. Okay. Donc j'ai commencé à envisager d'en faire un métier à part entière, quoi, aussi. Donc bon, après il y a eu un événement de type mondial qui est venu, oui. Mais c'est pas grave, ce n'est que partie remise. On y viendra, t'inquiète pas. En ce moment, on n'a pas le choix. Dans toutes les interviews, on est obligé d'en arriver là. J'aimerais quand même te poser une question avant tout ça, à propos de format de tes albums, qui sont souvent des EP, ou des, même quand c'est un album, c'est des petits albums. Je crois que c'est 8 chansons le maximum que tu as fait. Ouais. Comment ça se fait que tu te cantonnes à ces formats-là courts, je dirais, avec des guillemets? Je n'ai jamais trop compris. Je crois que j'ai peut-être du mal à faire des trucs un peu longs. Tu sais, qui varie assez ou des choses comme ça. Ça me déprécie un peu, mais c'est pas grave. Mais surtout en huit chansons, t'as le temps de ça fait un truc, une parenthèse un peu courte. Et j'aime bien l'idée que, par exemple, une chanson de folk puisse durer 2 minutes, par exemple, ou ouais. Tu vois, que t'es juste une petite phrase à dire parce que c'est de la chanson. Et Et la chanson, c'est pas comme du post-rock ou tu vois ou du metal où tu peux où c'est une musique à base de riff et du coup au plus ouais. t'as de riff, au plus ça peut péter la classe et tout. Il y a vraiment un délire dans la chanson que t'as quelque chose à raconter. Ouais. Et donc ça peut tenir en trois phrases quoi. En fait, en vrai, il se peut que t'aies juste trois phrases à raconter, trois phrases à dire, donc ta chanson peut être courte. Du coup, ton album peut être court. Tu vois. Ouais, ouais. Je sais pas si je suis assez clair. Je pense, enfin pour moi en tout cas oui. J'espère que nos auditeurs ont compris aussi. Je pense que oui. Tu parlais de riff tout à l'heure de metal, mais je trouve que t'as quand même un jeu assez bluesy, assez basé aussi sur chant de riff. On écoutait là ça démarre par un riff à la guitare. Ouais, c'est vrai. D'où ça vient cette inspiration très blues du coup? Parce que tu nous parlais de pop punk, de metal. Le blues, il arrive quand? Mais en fait, il y a des artistes que j'écoutais beaucoup qui venaient du punk, qui sont passés par le metal, par tout ce que je suis passé, et qui ont dévié vers du blues et du coup, ou de la folk. Et ça m'a donné envie de m'intéresser à ces styles-là, quoi. Et donc, j'ai découvert Robert Johnson, qui est genre le premier, entre guillemets, bluesman déclaré comme tel, quoi. Qui a vendu son âme au diable. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a donné naissance à cette expression, d'ailleurs, dans une de ses chansons, La Croisée des Chemins, c'est lui, ouais. The Crossroads. Et c'est vrai que c'est un feeling qui me parlait, tu sais, comme si c'était des copains, quoi, tu vois. Il y avait un truc comme ça. Après, j'ai écouté vachement de Billie Holiday, tu vois, du jazz de cette époque-là aussi, qui venait du blues directement, avant que ça soit le jazz un peu technique d'aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire. Et je me suis retrouvé dans leur façon de chanter à ces gens-là. Il y a un truc qui me parle, et au plus j'évolue, au plus je sens que je m'approche d'un truc, ça veut pas dire que je chante bien, mais que je m'approche de ce genre de feeling, quoi, tu vois. Justement, dans ton chant, tes textes sont tous en anglais. Ouais. Pourquoi en anglais? Alors c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. J'imagine. Évidemment. Et c'est pas évident au début de répondre parce que t'es pris au dépourvu. Et en fait, avec le temps, tu comprends pourquoi. Déjà, j'ai eu de la chance, enfin la chance ou pas, mais j'ai eu des copains anglo-saxons, des potes anglo-saxons, qui m'ont fait aimer la langue. D'accord. Qui m'ont habitué à parler avec eux, quoi. Ok. Plus tard, j'ai eu d'autres amis qui faisaient des études dans ces langues-là, dans les langues anglo-saxonnes, avec les accents de certaines régions, tout ça, machin. Et j'ai fait quelques cours de chant avec un professeur qui vient de Londres, une professeure qui vient de Londres, et qui est devenue une grande amie, quoi. Donc, en fait, elle m'a aiguillé sur certains textes. Et du coup, tout ça fait que j'ai pris goût à parler comme ça. Et toute la musique que j'écoutais, en plus, était anglo-saxonne, quoi. Venait des États-Unis, d'ailleurs, principalement. Blink, voilà, c'est la Californie, quoi. On est sur le délire, quoi. Donc, je pense que si j'avais eu des potes mexicains, tu vois, ça aurait pas été le même trip, quoi. Oui, parce qu'on voit en plus que les textes sont assez chiadés. Personnellement, je suis pas un très grand anglophone, mais je pige pas grand chose, tu vois. Il y a quand même des expressions qui vont assez loin, beaucoup d'images, beaucoup de choses très travaillées. C'est pas le simple. Tiens, aujourd'hui il fait beau et demain et peut-être pas. Ça va quand même plus loin, mais au niveau du texte. Et j'ai l'impression, alors tu me dis si c'est vrai ou pas. J'ai l'impression que tes textes sont quand même très intimes. Ils parlent beaucoup de toi-même et que, alors, soit on te comprend instinctivement et on va comprendre ce que tu veux dire, soit ça peut rester ambigu, on va dire, pour nous. C'est volontaire, ça aussi. Tu parles beaucoup de toi, c'est très intime. C'est pas fait. Je calcule pas le fait que ça soit ambigu. Ouais. Ça, c'est certain parce que c'est toujours très spontané. Et c'est extrêmement français de mettre des images là où il n'y en a pas besoin. Alors que l'anglais est une langue beaucoup plus cash parce que le langage courant a moins de vocabulaire que le français. D'accord. Donc en fait, j'ai un délire un peu Frenchy dans de l'anglais, tu vois. Et donc c'est un peu bizarre. Je pense que ça peut dérouter déjà des anglo-saxons. Mais bon, t'interprètes la langue à des fois comme tu veux, tu fais ça comme tu peux. Oui, c'est hyper intime. En fait, j'essaie de mettre des mots sur des trucs que je ressens, que je comprends pas toujours. Et pour essayer de les sortir, quoi. Pour essayer de les sortir, c'est un peu la base de ces chansons-là. Donc c'est pour ça, je pense que c'est parfois très flou. On va faire une deuxième pause. Après, on va parler instruments. Ah oui. Ce sera le petit quart d'heure Tecos. Miam, miam, miam, miam, miam. Que je sais que certains apprécient. En attendant, on va écouter la seconde chanson de ton dernier EP, ton dernier album. Comment tu le considères? Ton dernier album fait 8 chansons, je crois. C'est ça. Tu considères que comme un long EP ou comme un petit LP? En fait, je l'ai pensé comme un album. À la base, il devait y avoir 10 morceaux. Et au final, tu vois, j'en reviens au chiffre 8, quoi. Toujours. Il y a un truc, 8 morceaux, c'est le bon format pour l'instant pour moi, quoi. Et ouais, c'est conçu comme un album, quoi. Il y a un délire d'album autour, il y a des symboles, il y a une symbolique, il y a des trucs. Ouais, d'ailleurs, tu me rappelles le nom de ton dernier album ? Bow Moon Heart Match. Alors, donc, ça fait arc, lune, c'est quoi déjà ? Cœur. Cœur et allumette. C'est ça. Donc j'imagine que tout ça a un rapport avec le contenu de l'album. Bah déjà, c'est des notions que tu retrouves dans les chansons elles-mêmes. Ouais. Dans le clip aussi, je les ai foutus un peu partout. C'est des symboles qui me parlent. Ils n'ont pas forcément un sens très, très précis. D'accord. Mais quand je les associe, ça me fait un truc. Tu vois, ça catalyse quelque chose, il y a un délire. Ça me parle beaucoup, quoi. On va écouter du coup la deuxième chanson de cet album qui s'appelle Law of Attraction. Oh oui. T'as vu l'accent un peu ? C'est incroyable. Je l'ai travaillé. De minute en minute, cet homme et devient américain. Déjà. Bon, allez, on écoute ça alors. Like a jealous child, here is the rule, poisoning your mind. You're wrong, we're just a money so well. Didn't you sense it there? Not the only. Heart will never, never lift. Here is the rule poisoning my mouth. Now it's time for another change. Breathing pure air and see the whole range. Being scared of what tomorrow brings, not a part of what's beneath. It's not a part of what's beneath. We all live in the bone, not real. Pretending there's a good way to sail. Storms and monsters, avoid them to death. We monsters, avoid them to death. But mirrors don't reflect what we are, just what we want to see. So seize a chance to live. Seize a chance to live. Seize a chance to live. Chance to live. Donc on écoutait Law of Attraction, on est toujours avec Sélénite, avec Mathieu, parce que Sélénite est ton nom de scène. on a dit qu'on parlait de matos. Ah, c'est le quart d'heure matos. Alors j'aimerais d'abord savoir quels instruments tu utilises en studio. Parce que, alors je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu Sélénite, les différents instruments, mais il y a quand même beaucoup de choses. Que tu ne peux pas faire en live forcément, mais tu te permets quand même de réarranger, voilà. Ouais, et du coup en studio, du coup tu te lâches, tu te mets aucune limite. Je me sens beaucoup plus libre, tu as raison. Parce que c'est le moment, en fait, que tes morceaux prennent de la gueule. Et ça veut pas dire qu'ils en ont pas 100, ça veut dire que tu peux les amener ailleurs. Et moi j'ai toujours aimé quand les groupes ils avaient un truc différent en live par rapport au studio, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est hyper. Ça montre des fois d'autres facettes, quoi. Mm-hmm. Ça montre aussi qu'il y a énormément de boulot derrière quand tu réarranges tes morceaux pour le live solo, tu vois. J'aime bien ce genre de truc là, quoi. Et puis comme j'ai tout le temps été en groupe quasiment, ben ça me reste en studio d'avoir envie d'une percussion, d'avoir envie de ce genre de choses. Par contre, en live, moi, ça me va d'être seul, quoi, tu vois. Et du coup, dans quel sens tu le fais ? Tu fais d'abord tes arrangements pour le... Enfin, tu crées ta chanson pour le studio, pour l'enregistrement, et après, tu réarranges, ou c'est l'inverse ? Alors, tout part d'abord d'un morceau que je fais guitare-voix, ouais, que je construis déjà comme tel, et après, je maquette. Moi, je maquette. Je suis quelqu'un qui maquette beaucoup. D'accord. J'ai l'impression, en tout cas. Et donc, quand je maquette, je commence déjà à envisager des arrangements pour l'album, quoi. Ce qui fait que j'arrive en studio, en général, j'ai déjà une très bonne idée de où je veux aller. Ok. Voilà. Ceci dit, ces temps-ci, j'apprends vachement à enlever tout ça. J'apprends comment ça peut être mieux avec moins en studio. D'accord. Et ça demande tout un recul que j'avais pas l'habitude d'avoir jusqu'à aujourd'hui et que j'apprends à avoir. Et c'est hyper intéressant. D'accord. Plutôt que de rajouter des couches, améliorer celles qui sont déjà là. À enlever. Ouais, c'est ça. Enlever. Et même, tu vois, même jouer au Lego avec ton morceau, vraiment dans ta. En mettant des refrains ailleurs, ou en doublant ton refrain par exemple, ou en changeant ta manière de chanter à tel moment, en fait, pour que ton morceau il soit jamais linéaire, quoi. Tandis que quand tu rajoutes des secondes voix, des instruments en plus, t'as tendance à combler un vide que tu pourrais déjà combler juste en construisant ta chanson comme il faut. Et ça, c'est quelque chose que c'est une chose à laquelle je faisais pas forcément attention. D'accord, ouais. Et c'est hyper intéressant à faire. Du coup, on retrouve pêle-mêle de la guitare, plusieurs voix, souvent, du piano, ouais, de temps et en temps, des percus. En temps, pas étonnant, t'as commencé en tant que batteur, c'est pas si étonnant, mais c'est souvent, souvent grosse caisse, tomba, choses comme ça. Ouais. Assez peu de cymbales, assez peu de choses comme ça. Complètement. Mais je trouve que dans la folk en général, ou dans le rock, ou dans le blues, c'est plus impactant d'avoir moins de batterie. Pareil, tu vois, dans le délire d'enlever des trucs. Parce que tu t'y attends pas forcément. Et tu vois. Il faut que tu insistes sur tes temps, il faut que tu insistes sur des endroits très précis. Donc, si tu as une batterie qui tabasse d'un bout à l'autre de ton morceau, tu n'as pas ton relief. D'accord, et, ouais, je vois. La folk et le blues, c'est des musiques de. Les chansons, la chanson, c'est du relief, quoi. Il faut créer du relief dans ton délire. Je te dis ça, mais je l'intellectualise pas comme ça quand je compose. Ouais, ouais, ouais. Je le fais, c'est un truc qu'on fait tous instinctivement, quoi. Mais quand tu prêtes attention, tu te rends compte, quoi. Que par exemple dans le métal, c'est des saucissons les musiques, quoi, tu vois, souvent c'est tu vois, quand tu prends du dark ambiant, tu vois, ça blast d'un bout à l'autre et tu comprends, enfin c'est vachement bien, hein, faut aimer le dark ambiant, c'est tout, oui. Mais c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de nuances dans le jeu, quoi. Et du coup en live, avec quoi tu joues? Donc t'as ta guitare, une guitare, un micro. Ouais. Alors dans mes souvenirs, tu avais deux amplis. Exact. Quand je peux, j'en mets deux. Quand tu peux, tu mets deux amplis. Et j'ai vu récemment des photos où tu as une grosse caisse. Exactement. Alors, raconte-nous tout ça. À quoi servent tes deux amplis? Alors, pour l'instant, en vrai, je n'en ai qu'un la majeure partie du temps. D'accord. Mais je pense de plus en plus en avoir deux. Deux amplis, c'est bien pour le confort de scène. Parce que quand tu es sur scène, il faut que tu aies un bon son de base autour de toi pour que l'ingé son, il ait juste à pousser ses boutons. Et comme ça, il a le moins de travail à faire possible. Et tout ce qu'il fait en plus, ça sublime la musique, tu vois. D'accord. Donc, deux amplis, ça te permet d'en avoir un là. Donc, tu as déjà un très bon confort de scène. Mmh. Et en plus, tu peux mêler les sonorités d'amplis différents ensemble, ce qui peut te créer vraiment un son plus épais. Et comme tu es tout seul avec ta... Un enfant vient de tomber à côté de nous. Oui, voilà. Et ça nous fait toujours marrer quand même. C'est toujours rigolo. Les enfants qui souffrent, nous, on aime bien. C'est toujours rigolo. Donc, t'es deux amplis. Je vais y arriver. Et donc, oui, voilà. Comme tu es tout seul avec tes guitares, il faut que tu crées des. On est toujours sur le gamin. Yes. C'est toujours pour rire. Excellent. Et donc, il faut que tu crées du relief comme ça, avec ton son. Il faut que tu aies un son qui tabasse le plus possible. Ça ne veut pas dire du gros volume, ça veut dire vraiment une texture de son très particulière pour que ça soit. pour que ça soit beau, tout simplement. Voilà. Du coup, là, l'idée, c'est que tu passes donc par un, tu sors de ta guitare en jack, tu passes par un doubleur et t'envoies en même temps le même son sur deux amplis différents pour avoir deux textures différentes. C'est l'idée. Ça, quand j'utilise deux amplis, ce que je le rappelle est encore très très rare, mais j'ai ce qu'on appelle une AB box, donc une pédale qui sépare ton signal, qui prend ton signal de guitare, qui passe par ton pedalboard, là où j'ai toutes mes pédales d'effet, mes overdrive, mes delay, tout ça, et qui envoie vers deux amplis différents. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Une ABY, une pédale Y, je sais plus exactement l'appellation exacte. Ouais, je crois que c'est quelque chose. Une AB box, moi je dis. AB box, ABY, j'ai entendu beaucoup de choses différentes. Y a plein de choses. Est-ce que juste pour les gens qui veulent vraiment avoir ton son, ta guitare, tes guitares, qu'est-ce que tu peux le. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai une Hofner, une demi-caisse Hofner. D'accord. Very Thin Contemporary, Contemporary en français. Bien sûr. Contemporaine, quoi. c'est pas les hauts de gamme de Hofner, parce que je voulais m'initier au monde des demi-caisses. Ok. Et je suis hyper emballé par le délire, parce que t'as un feeling d'acoustique, t'as un son qui est plus plein que des guitares comme des Telecaster. Enfin, il y a des trucs qui m'intéressent là-dedans, quoi. T'as pas mal de dynamique dans ton son, donc je retrouve ce délire d'être en semi-acoustique, quoi. D'accord. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important d'avoir ce feeling pour moi. Tu utilises ces guitares en majorité, du coup? Ça et une acoustique. J'ai une Furch. La marque, c'est Furch. C'est une Furch. C'est le mec qui se la pète un peu américain. Yeah, et après, il course. Fait la traduction franchie, quoi. Tu vois, franchie. Et c'est une marque tchèque qui fait du putain de boulot et encore pas trop trop cher. Bon, il y a du haut de gamme hors de prix, mais voilà, c'est ma première, on va dire, vraie guitare acoustique qui sonne comme j'aime et comme j'ai envie, quoi. Donc, c'est cool. Et donc, cette grosse caisse, ce nouvel ajout, que moi, j'ai jamais entendu en live, cette grosse caisse, il me semble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, je me disais que ça pouvait être pas mal, quand je suis en électrique de temps en temps, d'avoir une petite percu. Et donc, je me disais, bon, ben, plutôt que d'avoir une grosse caisse hyper massive de batteur de métal, tu vois, j'ai acheté une grosse caisse de gamin à 50 balles. J'ai mis des pots de batterie vraiment bien, tu vois, histoire d'accord. de compenser la nullité du bois. Ouais. J'ai essayé de régler et je m'en tire avec un truc comme ça. Ça manque un peu de grave, ça manque un peu de voom, mais ça, tu peux le régler en façade avec l'ingé son s'il est gentil avec toi. Et si tu es gentil avec lui, du coup. Surtout si je suis gentil avec lui, si je fais ce qu'il faut, si tu vois ce que je veux dire. N'oublie pas, messieurs les musiciens, d'être gentil avec les techniciens. Toujours, et inversement. Toujours, c'est un travail d'équipe. On va parler du sujet qui fâche. Oh mon Dieu. L'espèce de longue pause qui nous est tombée dessus il y a un an. Alors, tu disais tout à l'heure que tu réfléchissais à devenir professionnel, à vivre de ça. Il me semble qu'on en avait parlé il y a un an et demi. Et il y a un an, du coup, quelques mois après, il y a ça qui nous est tombé sur la gueule, et donc toi aussi. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux en vivre de ça, de la musique? Je, pour faire un petit topo, juste avant le coronavirus, pour ne pas le nommer. Chut, mon Dieu. Il ne faut pas dire son nom. C'est comme Voldemort. Exactement. Pardon, je l'ai dit. Excusez-moi. Juste avant ça, ça faisait 2 ans que si on parle de tunas, tu vois, si je mettais de tous mes salaires de la moulaga, tu vois, exactement. Si je mettais tous mes salaires bout à bout de musicien, ça me faisait 6 mois par an. D'accord. Et le reste, je faisais un petit peu d'intérim. Donc, je commençais à me dire, je vais peut-être pouvoir commencer à déclarer tout ça. Ça tombe bien, je commence à travailler avec des bookers indépendants qui s'appellent No Reasons Booking Agency Records. Slash Production Incorporation, tout ça. VIP Edition. Director's Cut. Pardon. Non, mais des gens incroyablement gentils et qui ont l'air de vouloir vachement m'aider, donc ça c'est trop bien. Et donc on commence à monter une tournée qui allait donner naissance à plusieurs autres tournées dans l'idée de déclarer toutes mes dates et de devenir intermittent du spectacle. D'accord. Le statut tant convoité. Voilà. Donc, coronavirus oblige. Sachant que, alors, je sais que quand on est technicien intermittent, il faut faire tant d'heures par an. Ouais. Quand on est musicien, comment ça se passe? C'est le même nombre d'heures. Par contre, c'est à la date plutôt. Oui. Parce que c'est les cachets, c'est pas le même nombre d'heures selon que tu sois artiste ou déclaré technicien. Donc, je crois que c'est un truc comme 12 heures pour les musiciens. Le cachet vaut 12 heures normalement. Si tu fais une date, ça équivaut à 12 heures de travail. Il me semble. D'accord. Peut-être que je dis des conneries, il faudrait que je me renseigne dessus. Et les techniciens, c'est plutôt des cachets de 8 heures. Ou l'inverse. Mais il y a un truc comme ça. Je pense plutôt 12 heures parce que, alors, dans ma tête, et pour ceux qui se demandent pourquoi c'est 12 heures pour une date, un concert d'une heure, c'est parce que ça inclut dedans toutes les répétitions, tout le travail qui est fait en amont. Exactement. Normalement. Exactement. Qui, lui, n'est pas payé sur le moment en théorie. Donc c'est un genre de retour des choses quoi. Ce qui fait que je dois déclarer en tant que musicien 43 dates de concert par an. Par an. D'accord. Dans l'espace de avant c'était 10 mois et demi, je crois que c'est repassé à 12 mois. Il me semble que c'est passé à 12 mois maintenant. Ouais, c'est ça. Et ça fait le yo-yo entre ces deux trucs depuis quelques années. Ce qui a l'air facile en soi, mais qui est un petit peu délicat quand il y a des bars par exemple qui peuvent pas forcément faire de la paperasse ou faire tout ça. Voilà. Bon, t'as toujours des combines, mais en gros, ça veut dire que tu vas en faire 70 dans l'année, quoi, pour arriver à en déclarer 43. Quoi. D'accord. En gros. Voilà, et du coup, pour en revenir à ce fameux moment charnière pour tout le monde, comment tu t'es senti pendant cette longue période, surtout le premier confinement, parce que c'est là où la vie de tout le monde a un peu changé, les autres confinements ont été moins rudes, on va dire. Qu'est-ce que tu en as sorti de ça? Beaucoup trop de pancakes, déjà. Comme nous tous. J'ai beaucoup mangé de pancakes que j'ai cuisiné. Voilà, on s'est gavé de pancakes avec ma copine. C'était génial. D'ailleurs, ça se voit, j'ai pris environ 74 kilos. Comme nous tous. Voilà, comme nous tous, j'ai l'impression. On est très bien. Très bien. Mais plus sérieusement, en fait, je ne l'ai pas trop mal pris parce que j'avais déjà cette idée d'album. Ouais. Et ça allait. Tout ça, ça devenait une pression que je comprenais pas trop, enfin que j'avais du mal à capter. Donc je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être pas plus mal, je peux peut-être en profiter pour faire un album qui va être encore mieux, tu vois, qui va m'occuper l'esprit en tout cas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et à la fin du premier confinement, j'avais plein de chansons. Si je mêlais ceux que j'avais commencé à composer, tout ça, j'avais une quarantaine de morceaux. Ah oui, J'en ai fait un paquet. Ah oui, non, oui. Mais tu te rends pas compte, tu fais, et en fait tu dis, finalement il y en a quoi 35 36 bon, je vais 30... sortir un quadruple P. C'est ça. Mais tu te rends compte qu'à la fin, tu vas en garder que 8, quoi. Ouais. 8 toujours, évidemment. Merde. Évidemment, 8. Non, mais là, en plus, c'est ce qui va se passer. Genre, on en parlera, mais l'album que je vais sortir, il y aura 8 morceaux en vinyle, hein, par contre, ce coup-ci. Ah, oh. Ouais, c'est super. Oh, on passe à un autre niveau, là. Et donc, voilà, j'ai surtout préparé cet album, surtout que j'avais des soutiens du Café Musique de Mont-de-Marsan, notamment, de Land Music Amplifié, de la Locomotive de Tarnos, qui sont des gens qui me regardent du coin de l'œil depuis pas mal d'années et qui me filent des coups de main de temps en temps ou de précieux conseils, quoi. D'accord. Donc, et ça m'a permis aussi, d'ailleurs, d'aller le maqueter, cet album. Oui. Quoi, tu vois. Sur ces 40 morceaux, j'en ai sorti 12 dans un. Quand je suis allé m'enfermer dans un chalet pour enregistrer. Quoi. On va parler de cet album juste après une dernière petite pause avec ton dernier tube. Ah, bah écoute, là, il me semble que c'est la première fois que tu fais vraiment un clip en plus pour une chanson, parce que les autres, je ne les ai pas trouvés en tout cas sur ta chaîne YouTube, dont on parlera, dont tu auras l'occasion tout à l'heure. Et cette chanson s'appelle Flow, Gods and Couches. Ouais. Donc le flux. Ouais, le Dieu ouais. Et les cruches. Et les béquilles. Les béquilles. Les cruches. Moi, je pensais aux cruches, tu sais, qui se brisent. Je vois. Quand on va à l'eau, je sais pas quoi. C'est les béquilles. Les béquilles, d'accord. Donc, on écoute ça tout de suite. Kind of flowing shit, sleeping through my fingers, sleeping through my fingers. So hard to catch between God and other stuff, between God and other stuff. And I'll have to guide myself anyhow. I use a crutch to keep me alive, to keep me alive. And once alive, did I walk on my own? I walk on my own. Anyhow. reflection, sleeping through my fingers, sleeping through my fingers. So hard to catch, between God and other stuff, between God and other stuff. Donc Flow Gods and non d'ailleurs c'est pas N, c'est Flow Gods Creatures. Alors sans juste avec des tirés des slash ou sans, avec je ou crois. Sans moi j'aime bien mettre les slash ou les tirés tu voilà. Vois c'est pas des virgules et des end non non il est casse couille voilà. Le monsieur bah c'est un peu plus concept c'est clair. Qui pète plus haut que son cul quoi, c'est génial. Donc ça c'était ton dernier album qui est sorti il y a un an, deux ans maintenant donc 2019. Exactement, en octobre 2019 il est sorti, c'était voilà, l'album que je m'apprêtais à aller défendre en tournée à partir de 2020. J'ai l'impression que tout le monde me dit ça, ouais, parce qu'il y a un paquet d'albums qui sont sortis finalement fin 2019, ouais, et que, c'était le moment, ouais. Et voilà, trois dates c'est fini quoi. Mais finalement les sorties, il n'y a pas tellement de choix, quand c'est tellement noyé dans la masse de plein de sorties, ouais. Qu'on en revient tous à sortir... à peu près au même moment quoi. Soit ça va être soit février soit octobre tu vois. Oui il y a des dates clés selon le public etc. C'est ça. Mais bon tu n'as pas perdu ton temps comme tu disais. Ah complètement on va pas. Parler de ce nouvel album. Oui. Donc tu as composé 40 chansons, tu en as enregistré 12, enfin maquetté 12 et tu vas aller en enregistrer 8. Oui exactement. D'ailleurs. Tu nous racontes ? Ah bah bien sûr. Bah écoute ça faisait un moment que je me disais que je louerais bien un endroit pendant un mois dans l'idéal. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir des assos qui m'aident, qui m'ont dit bah, si tu veux, tu trouves le lieu et on t'aide un petit peu à louer ça. Quoi. Donc j'ai emprunté du matos à droite à gauche et je suis allé m'enfermer pendant 24 nuits, oh, donc joli. 25 jours. Joli. Avec plein de matos dans un chalet en bois. Par contre, du bois partout. Hein. Des rondins, quoi. C'est des chalets russes normalement qui d'accord. sont construits en Russie. Ah ouais, ouais, et je vois. En fait, c'est incroyable parce que. J'étais hyper isolé, mais j'étais à 45 minutes de peau, quoi. Mmh. Tu vois, mais c'était hyper isolé. Ouais, ouais. Donc j'étais. Tu te sentais vraiment ta bulle, quoi. Non, complètement. Surtout qu'il y avait une énorme mezzanine qui faisait la taille de mon ancien appartement, quoi, tu vois. Donc 25 mètres carrés, un truc comme ça. Et j'ai installé tout le matos ici et j'étais entre la chambre et cet endroit en permanence. Et dès que je commençais à enregistrer, je pouvais pas m'arrêter. Donc je faisais des sessions entre 10 et 16 heures ah ouais. à chaque fois. Et mes pauses, c'était pour aller me préparer un thé, quoi. Et c'est tout. Et je voyais pas le temps passer, quoi. C'était fou. Donc je suis sorti de là, défoncé, défracté. J'avais plus une goutte d'énergie, mais j'avais plus rien. Mais j'avais 13 morceaux, quoi. Enfin, 12 morceaux et un 13e, une espèce de bidouille de morceaux, tu vois, okay. un truc... Voilà quoi, que je mettrai peut-être d'ailleurs sur l'album final, on verra. Et donc là, tu as maquetté et là, ouais. tu vas aller enregistrer du coup enregistrer. Ces 8 morceaux que tu as sélectionnés. Exactement, et j'ai de la chance ce coup-ci de pouvoir aller enregistrer dans un studio qui pèse un peu quoi, qui s'appelle Cryogène, qui est doté de personnes extrêmement talentueuses au son quoi, notamment un vieux pote à moi qui s'appelle Thomas Secato, qui bossait, enfin on s'est croisé au Café Musique et on s'est perdu de vue pendant des années. D'accord. Et je le retrouve genre 5 ans plus tard, il a pris 45 niveaux de talent, tu vois, et je découvre un gars génial, donc on s'entend hyper bien et on va enregistrer ensemble et le mixage va être fait par Benjamin Mando, qui a fait notamment, je crois qu'il a enregistré et mixé l'album de I Am Stramgram, le dernier, je crois. Je ne sais pas si tu connais I Am Stramgram. Il me semble pas, non. C'est tout. Il y a un collectif qui s'appelle à Bordeaux, qui s'appelle le collectif du Fennec, les disques du Fennec. Je ne connais pas, mais nos auditeurs connaîtront peut-être. Ouais, voilà. Et, donc je suis hyper content de travailler avec ces gens-là. Ça, le feeling passe bien et le studio est génial. Donc tu t'es enregistré quand ça? Alors normalement 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 juillet. Juillet, donc 7 jours. D'ici un mois. Et exactement. Pour une sortie, tu as une date de sortie prévue ou j'ai pas une date de sortie fixe parce que j'ai pas envie d'avoir de deadline. J'ai envie d'abord d'avoir tout bien fait avant d'accord. d'annoncer quoi que ce soit. Okay. Mais vu comment ça avance, si j'arrive à tout bien m'organiser, normalement, premier trimestre 2022, je devrais pouvoir le sortir. D'accord. Voilà. Et bien on arrive déjà à la fin de cette émission, après 45 minutes déjà. Ça va d'émission. Et bien écoute, j'ai passé un moment, mais attention, il y a encore les 4 questions subsidiaires, celles que je pose à tous mes invités, tous mes artistes invités en tout cas. Jean-Pierre Foucault, le gars. La première étant, je t'ai demandé de réfléchir à un artiste que tu aimerais conseiller à nos auditeurs. Un artiste, une artiste, un groupe. Okay. En ce moment, je suis à fond sur un gars qui s'appelle The Tallest Man on Earth. Alors, ça fait des années, mais il a sorti un album il y a 2-3 ans, je crois, qui est incroyable, qui s'appelle I Love You, It's a Fever Dream. D'accord. Qui est d'une beauté incroyable. Et c'est un gars, pareil, qui fait beaucoup les choses maison, quoi. Qu'est-ce que c'est comme C'est de la folk aussi. Folk. Il fait beaucoup de picking, donc des arpèges un peu chiadés, de bluesman, quoi, un peu. Ouais. Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. And I throw it in the current that I stand upon so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could rise from the harness of our gold. Here come the tears, but like always, I let them go. Oh. Just let them go. Oh. Now spikes will keep them falling from the heavens to the floor. Future was our skin and now we don't dream anymore. No, we don't dream anymore. Oh. Like our house are made from spider webs and the clouds were rolling in. Bet this mighty river's both my savior and my sin. Oh, my savior and my sin. Oh, I said I could rise from the harness of our gold. Here come the tears. It's easier than land. Evil's in my pocket, and your strength is in my hand. Strength is in my hand. And I've thrown you in the current that I stand upon so still. Love is old from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could rise from the harness of our gold. Here come the tears. Let them go. Oh, oh. et il a ce côté folk, un peu indie folk. C'est un mec qui vit près de la rivière et des montagnes, quoi, et d'une forêt. Okay. Donc, et ça s'entend vachement dans sa musique. Et il est tout petit, il est tout fin, et il a une voix très atypique. Il vient d'où, ce monsieur ? C'est un Finlandais, je crois. C'est un Finlandais ? Ouais. Oh. Il me semble que c'est un Finlandais ou un Suédois. C'est par là, ils sont par là. D'accord. Un Scandinave. Un Scandinave. Un Viking. Donc, tu nous rappelles le nom ? The Tallest Man on Earth. L'homme le plus grand de la Terre. L'homme le plus grand de la Terre, The Tallest Man on Earth. Voilà. Ah, Earth, Earth. Earth. Earth. C'est chaud. Hein. Ouais, mais c'est bien. Earth. Je sais pas. Je l'ai comme à la texane, c'est pour ça. Earth. Earth. Yeah. Yeah. Tes projets, donc on a parlé de l'album. Ouais, complètement. Est-ce que tu as d'autres projets en dehors de l'album, toi, en tant que Sélénite ? Alors, en parallèle peut-être ? Surtout, en fait, je me suis beaucoup concentré sur cet album et sur ce qui gravite autour, donc les clips. Ouais. En ce moment, je suis en train de faire, pour être un peu transparent, je fais un peu tous les devis de clips que je peux faire avec des réalisateurs ou des... on en parlera plus tard, mais voilà. Je suis en train de préparer tout ça, de voir avec mes copains bookers quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment organiser des tournées pour ouais. reprendre bien et pour pouvoir déclarer toutes les dates et tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas en mal. Vrai, là, c'est déjà énorme ici, mais je pensais pas. C'est la déjà. Première fois que j'ai l'impression de fournir autant de travail. Ouais. Et tout s'accélère d'un coup dès cette reprise. Et ça me fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien, tu vois, tout se re-remplit quoi d'un ouais. coup. Ouais, après une énorme pause du coup de Nantes. C'est quoi. Ça, c'est ça. J'ai l'impression que le vrai boulot commence maintenant quoi, tu vois. Tu as la chance d'avoir des concerts. Est-ce yes. que tu veux nous en parler, donner les dates donc, ah, bien sûr. Ce vendredi donc à Bayonne, ouais. on disait. À la Luna Negra à 20h30, donc vous pouvez aller sur mon site lemarcheurselenite.com mm-hmm. pour checker toutes les dates, normalement ça sera à jour dès demain. J'ai le 18 juin, je suis normalement à la médiathèque de Lons, si mm-hmm. je ne m'abuse, mais c'est un délire un peu de jardin secret, en gros, Ampli à Pau, qui est la SMAC de Pau, je crois, m'a proposé 5 concerts un peu secrets qui se réservent par téléphone. Okay. Et on te communique plus ou moins au dernier moment D'accord. le lieu exact okay. Pour que tu viennes. Quoi. Okay. Et donc j'ai un délire comme ça où je sais que je serai à Jurançon. Je sais que je serai à Lons, je serai à Meillon, à Lescar et à Mauléon, tu vois. D'accord. Donc normalement, donc le 18 juin à Jurançon, le 24 à Lons, le 26 à Mauléon, le 2 à Lescar ou à Meillon, et bon bref, un truc comme ça. Mais vous verrez ça sur mon site. De toute façon, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, toutes ces dates, tout ça, assez et facilement, ton site. Ouais. Ouais. Et j'ai surtout une date aussi à laquelle je ne m'attendais pas, qui est assez importante, à Vieux-Boucault le 18 juillet. Ouais. Je fais la première partie de Feu Chatterton. Oui, ou joli. Donc c'est super cool. Et c'est un festival où, de deux jours qui s'appelle le Festival Essentiel. Donc la connexion ouais. se fait très cher avec ton émission. Et en fait, le premier jour, je suis hyper content. Je pense que je vais aller voir aussi. Il y a Pomme qui joue, D'accord. qui est une artiste que j'aime bien. Et le lendemain, Feu Chatterton. Donc je joue en première partie. Il y a aussi Since Marie en première partie. Qui est une artiste folk qui commence vraiment à jouer, à faire son truc et qui, je pense, a de belles années devant elle. Quoi. Du coup, qui est du coin, du coup, tu sais. Ouais, tu qui est à peu près du coin. Ouais. Ben, après, elle est surtout aidée aussi par Land Music Amplifié aussi. Okay. Et puis voilà. Hein et dernière question, quatrième et dernière question subsidiaire, où est-ce qu'on peut t'écouter Vous pouvez m'écouter pour l'instant sur Spotify, Deezer et iTunes. Vous tapez Sélénite, normalement vous trouverez à peu près facilement ce qui se passe, surtout le dernier album, Bow Moon Art Match. Mm-hmm. Vous pouvez me trouver sur Bandcamp, mm-hmm. donc bandcamp.com, vous faites Sélénite, Bandcamp. Oui. Bandcamp. Mais de manière générale, si vous allez sur mon site internet, lemarcheurselenite.com, il y a les liens vers absolument tout et vous savez tout. Voilà. Ben c'est parfait, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Et du coup, on va arrêter cette émission ici. On a fait un beau 50 minutes, ouais, ça peu va. Près. Honorable. Honorable. Honorable. C'est une belle performance. Okay, okay. Je vais peut-être faire un tableau des scores pour voir. On va voir comme dans. Compétition, les autres. N'importe quoi. Comme dans Top Gear où ils mettaient les compétitions des stars, des tours de stars en bagnole. Oh voilà. Là. Ça serait marrant avec un concept comme ça. Tiens, je vais réfléchir. Ok, très bien. En tout cas, Mathieu, Sélénite, Mathieu, je te remercie. Donc, ce vendredi, pour ceux qui écouteront ça jeudi ou en podcast à Bayonne. Et après, surtout, n'hésitez pas à aller sur les différents réseaux sociaux ou sur ton site, lemarcheurselenite.com. C'est ça ? Exact, bien joué. Et voilà, je te dis à bientôt. Ben, merci Mathilde, à très vite. Et nous, on se quitte sur ça, mes amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine.